Chapitre 2. Lorsque Corentin ouvrit sa fenêtre et repoussa le volet qui empêchait le jour de pénétrer dans sa chambre, il était un peu plus de 4 heures. Le temps était si merveilleux qu'il lui sembla sentir passer sur sa peau comme une caresse dans le bain de clarté douce qui l'enveloppa tout à coup. Au ciel, au-dessus de sa tête, quelques étoiles attardées, déjà éteintes à demi, si pâles qu'on eût dit des pierres précieuses mourantes. Des teintes roses saumon envahissaient l'atmosphère, se dégradant à mesure qu'elles s'élevaient vers le zénith, tandis qu'un rose plus vif bordait la crête des falaises de Roscanvel, annonçant le soleil encore invisible derrière la côte de Léon, derrière la masse étagée de Brest. Au-dessous, à la base des roches, de la pointe des Capucins à celle du Grand Gouin, de l'anse de Berthaume au Goulet, la mer était noire, d'un noir ondulé, frémissant, comme une moire vivante. Le pêcheur aspira avec délice l'air frais que lui envoyait une brise légère soufflant de l'est, et, s'accoudant à la fenêtre, songea, tandis que, insensiblement, l'astre s'élevant sans se laisser voir encore, le ciel passait par des nuances successives du saumon au rose, du rouge vif à l'or liquide, avant d'arriver à l'aveuglant éblouissement des rayons et à l'azur impeccable, à peine zébré de transparentes bandes blanchâtres, écharpes de nuages vaporisés. Un tel flot assaillait le cerveau de Garrec qu'il ne parvenait pas à mettre de l'ordre dans ses pensées, heurté par l'entassement des souvenirs récents, bousculé par les événements qui s'étaient, en un si court espace de temps, rué sur lui pour l'arracher à la placide monotonie de sa vie habituelle. C'était surtout ce voyage à Paris, ce gros déplacement l'ayant enlevé, durant 48 heures, à son milieu, à son entourage familier, qui, bien que terminé depuis près de 3 semaines, revenait encore le harceler de ses péripéties inoubliables et dont tous les détails, même ce matin-là, affluaient violemment en lui, l'égayant et l'étonnant tour à tour. Jamais il n'aurait pu imaginer cela, non jamais. Si on lui en avait parlé autrefois, il eût cru à la farce de quelque mauvais plaisant, comme il s'en trouve toujours sur les bateaux de l'État, de ces loustiques qu'on appelle parisiens, même s'ils ne sont pas de la capitale. Tant leur esprit est tourné, ainsi que celui des singes, vers toutes les drôleries et toutes les plaisanteries. Tout s'était passé pour lui avec un air de rêve, de choses pas arrivées. La course de Camaret au fret sur la carriole de Maradour, le trajet de Brest à Paris, où il était débarqué au petit matin, l'adresse de la société de sauvetage dans son portefeuille, avec des lettres du commissaire de la marine, des certificats, un tas de bricoles destinées à constater son identité. Puis la journée, quelle affaire! Et cette cérémonie dans une belle salle toute dorée. Les moindres détails s'en étaient fixés dans ses yeux, dans sa mémoire, avec les belles paroles qu'on avait dites sur les sauveteurs. C'était vers les 3h30 que la fête avait commencé, après qu'un amiral, qui présidait, eut pris place dans le fauteuil du milieu entre le représentant du président de la République et un autre personnage huppé. Eux, les sauveteurs, on leur avait donné des places d'honneur, sur l'estrade, à droite et à gauche, et cela l'avait tout de suite rassuré de se retrouver avec des peaux tannées, des faces goudronnées, des patrons de canots de Roscoff, de Calais, d'Audierne, de Boulogne, d'un peu partout, appelés là pour des récompenses. Il y avait eu des discours expliquant le but de la société, les succès qu'elle obtenait, l'histoire des naufrages de l'année écoulée, une pièce de verre lue par un acteur, beaucoup de musique exécutée par des soldats, et enfin, le plus émotionnant, quand son nom avait été prononcé. Des bribes de ce qu'on avait dit sur lui flottaient encore çà et là dans son cerveau. Le patron Garrec, de la station de Camaret, est un de ces vaillants qu'on peut appeler l'homme du devoir, et, pour le sauvetage, le devoir c'est l'héroïsme inconnu. Garrec est né à Camaret. Son enfance s'est écoulée dans la barque de pêche de son père. L'énumération de ses services, la liste des sauvetages accomplis par lui précédemment, avant d'arriver au dernier. Cette année, Garrec semble avoir voulu surpasser encore sa belle conduite des années précédentes, En octobre, il sauvait 12 hommes du bâtiment de commerce La Perle, en perdition par une tempête horrible sur les pierres noires. En janvier, il conduisait son canot au sauvetage d'un vaisseau norvégien et le ramenait au port. Enfin, il y a 15 jours à peine, c'était une femme, un homme et un enfant qu'il allait arracher à la mort, sur d'effroyables écueils, l'état de poids. Et la fin de cette allocution qui bourdonnait, c'est la croix de la Légion d'honneur qui lui est décernée aujourd'hui. Venez donc, patron Garec, recevoir cette haute distinction que vous avez si bien conquise. Quel trouble quand on l'avait ainsi appelé tout haut, devant cette foule qui battait des mains, criait bravo à l'étourdir, et que le sang lui semblait prêt à gicler par tous les pores de sa figure. Par exemple, s'il lui avait fallu dire comment il avait traversé tout ce beau monde tassé, comment il n'avait pas trébuché sur les marches, comment il avait pu regagner sa place, la croix attachée à sa redingote, la fameuse redingote faite exprès, il aurait été absolument incapable de l'expliquer. Ce qu'il savait, et c'était aussi cela qui lui repassait dans la mémoire avec une parfaite netteté, c'est que le président ou un autre, quelqu'un enfin, lui avait demandé comment il avait fait pour opérer ses sauvetages, et que, tout cru, sans chercher au-delà, il avait riposté dans l'ahurissement de son émotion. « Foutez-vous à l'eau et vous verrez !» Une phrase qui avait soulevé parmi ces messieurs un rire énorme, plutôt bienveillant, car quelques-uns avaient crié « Bien dit, il a raison, c'est la vraie réponse !» Lui-même avait fini par rire comme eux. Après, ma foi, la cérémonie s'était terminée vers 5h30. On l'avait invité à un banquet. On avait bu, mangé, on l'avait promené, jusqu'au moment où on l'avait reconduit jusqu'à la gare et où il s'était retrouvé seul, sa croix dans sa poche, un joli ruban rouge noué à la boutonnière. C'était donc arrivé, tout cela ? Il n'avait qu'à se retourner pour s'en assurer, pour apercevoir sur une chaise son vêtement noir, sa décoration flambante sur l'étoffe, avec un beau rayon de soleil tout neuf trouant la fenêtre et venant s'abattre en plein dessus. En même temps, il avait comme une sensation étonnée à se voir rester là, à sa fenêtre, dans une paresse inhabituelle, et ses yeux allaient machinalement chercher, au milieu de la flottille des barques, la bouée d'attache à laquelle s'amarrait immobile sa Corentine. Le soleil commençait à dépasser le dos montueux de la presqu'île de Roscanvel vers Kellern, la plage de Trérose, et montait, entièrement rouge, comme une boule de métal en fusion. Ce fut subitement une transformation. La mer, qui paraissait depuis quelques moments une immense nappe de mercure, par endroits glacée de bleu et de rose tendre, se moira d'abord d'un bleu vert. Pas de vagues, rien que des lignes sombres ou claires, friselées, hachées d'un petit travail fin et régulier. Trame énorme de cette tapisserie immense déroulant à l'infini les nuances du bleu et du vert confondus, unis. Puis, rien que du bleu, presque le bleu lapis-lazuli de la Méditerranée, sous ce baiser de feu qui diamanta l'océan d'étincelles remuantes. Dans le miroitement clair, Corentin reconnut sa barque. Au grand mât flottait un pavillon tricolore et, en examinant le port, il remarqua que presque toutes les barques étaient également pavoisées. Une émotion très douce lui entra au fond du cœur, à cette manifestation générale, à cette unanimité de fête qui accueillait ce jour où son mariage avec Marianic allait se célébrer. Du mouvement commençait à se faire le long du quai. Des hommes, des femmes, des enfants sortaient des maisons, venant flâner au soleil, allant et venant, se groupant devant les portes, ou tout au ras du port, pour regarder sous l'eau des jeux de petits poissons, plies filant d'un coup de queue au-dessus des vases vertes, myriades de minuscules vieilles, faisant comme un grouillement de moucherons dans la transparence de la mer, crabes se déplaçant avec leurs bizarres marches de côté. Déjà on entendait bourdonner, sortant du milieu d'un tas de marmots, pieds nus et en cheveux ébouriffés, le premier couplet d'une chanson qui roulait à travers Camaret à la moindre fête. Garec adressa un joyeux bonjour à des garçons de 15 à 16 ans, chargés de branchages verts qui, les uns après les autres, s'engouffraient sous la porte d'une maison voisine où se trouvait la salle de bal de Camaret, une salle ne servant que pour les mariages et qu'on décorait de fleurs, de feuillages, de drapeaux. En se penchant un peu, il pouvait apercevoir à l'autre extrémité du nautique la maison du bureau du port, Ses yeux se fixèrent attendris sur une fenêtre bien connue. Il crut y distinguer une forme de femme et songea, le cœur battant comme une cloche de fête, « Marianic, ma femme !» La chanson grondait plus fort le long du quai, semant la joie partout. Il se mit à sa toilette, une toilette soignée, car il tenait à faire honneur à celle qui voulait bien de lui pour mari. Ce fut toute une complication, car il était seul cette fois, tandis que lors de son départ pour Paris, dans ce costume qui devait être sa tenue de noces, on l'avait aidé. Marianic elle-même faisant, disait-elle alors en riant, son apprentissage d'épouser. Comme on n'avait rié que de joyeux propos. Il essayait surtout de se rappeler la manière dont elle lui avait noué sa cravate. Mais ce n'était plus la cravate noire du voyage, et ses gros doigts n'osaient toucher cette cravate blanche toute neuve, de peur de la froisser, de la salir. Il n'avait pas terminé, lui d'habitude si prompt à s'habiller, quand on poussa sa porte. C'étaient ses témoins, Balanec et Maradour, dans leurs reluisants vêtements de fête, qui leur donnaient un air tout gêné, une tournure raide et empêtrée. Au moment où il parut sur le quai, devant sa porte, deux coups de fusil claquèrent à quelques pas. Les douaniers célébraient ainsi le mariage à leur manière, et toute la journée, il allait en être de même, à tous les bouts de rue débouchant sur le port, dans ce besoin de tapage, de bruit, qui caractérise les joies des êtres simples, un peu primitifs, fantasia d'arabe ou pistolettade de noces de village. La veille, une quantité de carrioles, de chars à bancs, de cabriolets plus ou moins bizarres et sonnant la ferraille, avait amené les principaux invités, des parents éloignés, des amis. Il en était venu de tous les environs, de Crozon, du Fret, de Morgat, de Brest, même de Douarnenez et d'Audierne, de la famille des Guivarc. Aussi le cortège qui sortit, sur les 9 heures, de la maison de la mariée, était-il tout à fait imposant. Dérogeant à la nouvelle mode, qui consiste maintenant pour les camarétois à faire venir des musiciens de la ville, Corentin et Marianic, restés fidèles aux anciens us, avaient absolument réclamé la musique du temps jadis. En tête de la noce, un joueur de biniou et une musette ronronnaient donc les vieux airs bretons. On leur avait cependant adjoint, surtout en vue du bal, un cornet à piston qui renforçait un peu le bercement nasillard du biniou. Tout Camaret fut en liesse ce jour-là, et pas une barque ne prit la mer. Hervé Guivarc, ayant consenti à servir de garçon d'honneur, semblait avoir définitivement oublié tout ce qui s'était passé auparavant entre Corentin et lui. Il fut d'une gaieté folle, riant, plaisantant, inventant des jeux pour amuser les invités et leur faire passer le temps agréablement, racontant même certains épisodes de ses voyages, des choses dont il n'avait jamais parlé jusqu'alors. « Tiens, tiens, on dirait qu'il se transforme, ce revenant !» constata Maradour, surpris. Tante Rosalie semblait radieuse de ce visible changement. Elle murmura à l'oreille du boucher. « Je crois que sa demoiselle d'honneur y est pour quelque chose, vois-tu, mon fils ?»« La Bernardine, la fille au père Moël de Kerlock ? Madoué, un riche parti. Alors ce serait vous, tante Rosalie, qui auriez arrangé la chose ?»« Oui, il faut qu'il l'épouse. » Si la brave femme avait pu surprendre, à certains moments, le pli amer qui crispait les lèvres d'Hervé, elle eût eu moins de confiance dans la réussite de ce mariage. Mais elle n'entendait que son rire bruyant, que les chansons jaillies de son gosier, ne voyait que son entrain à la danse, au divertissement organisé par lui. Surtout, elle avait tant envie de voir le pauvre garçon bien tourné qu'elle prenait pour un fait accompli ce désir qu'elle caressait de concert avec le maître de port, un mariage auquel elle poussait fortement Hervé depuis quelque temps, depuis qu'on le voyait résigné, échangeant des poignées de main avec Garec, acceptant cette union de sa cousine avec le patron du canot de sauvetage. Corentin était si heureux lui-même, si débordant de bonheur, qu'il voulait voir tout le monde content, et qu'il avait accueilli avec enthousiasme le projet de tante Rosalie, disant « Certes, c'est là un excellent choix. Cette pauvre Bernardine n'est pas heureuse avec son vieil avare de père. » Avec Hervé, elle sera comme dans le paradis. Elle est fort gentille. Il l'aimera. » Seule Marianic avait hoché la tête. « Je ne crois pas, moi. » Mais en ce jour, elle oubliait tout pour se réfugier dans l'ivresse profonde qui l'enveloppait depuis le matin. La journée, avec son soleil étincelant, son grand ciel pur, passa pour elle avec une rapidité dont elle ne se rendit pas compte. Le bal était dans tout son entrain et les danseurs ne songeaient même plus aux mariés quand Corentin et Mariani quittèrent la salle pour rentrer chez eux. La nuit était profonde, une nuit sans lune, toute semée d'étoiles qui perçaient les ténèbres au-dessus de leur tête, tandis qu'une brume blanche commençait à effacer les côtes, les falaises. Auprès d'eux, au-delà de la jetée, un grand souffle passait, apportant un grondement lourd, monotone, berceur, dont le rythme les engourdissait. Il leur suffit de faire quelques pas pour gagner la demeure du pêcheur. Plusieurs minutes, ils restèrent très émus, tendrement enlacés devant la maisonnette où allait s'abriter leur bonheur, leur vie entière. Camaret reposait ses volets clos, ses portes fermées. Seule, la musique du bal troublait le grand silence, et le tapage des pieds battant le plancher sous la cadence des danses formait un roulement sourd et continu. Dans le port, la marée haute berçait les barques, qui semblaient des formes mystérieuses et mouvantes d'êtres animés. Près du phare, à la limite du brouillard, des feux de couleur indiquaient la position d'un bateau norvégien et de deux goélettes à l'ancre. Des fusées de rire, un éclat de voix leur arrivait encore, mais étouffé, perdu dans la majesté de la nuit. Il semblait que cette brume avançant peu à peu se préparât à les envelopper d'un voile pour les isoler de tout, pour les mieux unir dans une solitude bénie, en même temps que la brise, passant sur les champs, versait sur eux les parfums légers de la lande, un souvenir des bruyères, des genêts et des ajoncs. L'étreinte de leurs bras se resserra et, au moment où la porte retombait derrière eux, leurs lèvres s'unirent.